Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de CISM. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolene Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd, je critique les foules. Et on est l'été, c'est tout plein de festivals. Peut-être es-tu choyé? Peux-tu être content? Peut-être es-tu choqué? Peut-être qu'il s'est passé bien des choses. Écoute, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de magie, de fantaisie, cette merveilleuse saison qu'est les festivals. Mais assurément, il y aura du mosh pit cette semaine et des pits et du trash et des body surf puisque j'étais à... Mais oui, Évée Montréal! Je suis bien restée dans mon beau Montréal pour ces deux jours, samedi et dimanche. Étant donné que c'est un festival, ben oui, qui commence en début d'après-midi qui finit, pas trop tard, on peut être couche-tôt quand même. Mais ça fait quand même de longs comptes rendus. Alors, je vais commencer cette semaine avec un spécial Évée Montréal samedi et j'espère faire le tour de tous les spectacles qui ont été marquants et de tous ces événements. Sinon, attachez votre sucre crowd puisque oui, il y aura un deuxième spécial du Évée Montréal, peut-être la semaine prochaine, peut-être un jour, c'est à suivre. Sinon, écoute, je dis Montréal et mon Montréal chéri, c'est parce que, écoute, il n'y a pas si longtemps, je suis retournée à mon Trois-Rivières natal et ça m'a donné l'occasion de fouiller dans les albums familiales. Et parmi les vinyles, il y avait Lâche et Lousse 1, la toute première compilation à CISM. On l'a même pas, si je ne m'abuse, parce que j'ai juste trouvé la deuxième. Alors, j'avais envie de te partager une des chansons qui se retrouve sur ce merveilleux album parce qu'il y a entre autres Genetic Error, Barf, les biberons bâtis. Mais nous, on va écouter Éric Vos Toilettes, la chanson Bloc de béton. Ça m'énerve pas les gros canons. Béton. Ça me fait pas bander les tontons. Ça me dérange pas les morpillons, pis les avions, pis les bonbons, les élections, les sensations, les distractions, les gros camions, pis les chansons de Céline Dion, la société de consommation, l'odeur de transpiration, les panilons, les érections. Collision, putain de cochon. Éric va aux toilettes, chanson qui se retrouve sur l'album Lâcher Lousse, plutôt la compilation, puisque c'est leur seule chanson qui se retrouve sur ce merveilleux vinyle, Bloc de béton. Vous écoutez Critique de Crowd et en présentation d'émission, je parlais d'être choqué de passion et d'amour et de magie et de folie. Ben, bon, j'ai l'impression d'être gérée en disant que EV Montréal cette année a attisé les passions. Ce serait un grand mot, mais les métamorphoses des dernières années, oui, ont un impact cette année. Mais d'accord, peut-être, tu ne sais pas qu'est-ce qu'EV Montréal. Alors, faisons une belle historique. EV Montréal, ça existe depuis 2008 et c'est un événement d'Evenco, ne sois pas surpris. Ben oui, c'est même patente que Oshiaga et Hillsonic depuis peu de temps. Hillsonic, c'est leur petit dernier bébé au parc Jean Drapeau. Oui, les trois événements se passent là-bas. Un peu divers parce que je la regarde jamais à chaque fois que je vais à EV Montréal. Il y a de la lutte! Il y a de la musique, c'est du métal principal. Principalement, mais il y a de la lutte depuis 2013. C'est seulement en 2014 qu'ils ont changé leur nom. Bon, EVMTL pour EV Montréal. Moi, c'est plutôt comme ils ont rajouté des voyelles puis les lettres qui manquaient. Là, c'est pas tant un changement de nom. C'est surtout la façon d'amener le punk, le hard rock. Mais en même temps, quand tu regardes les programmations précédentes, il y avait déjà eu Billy Talent, Alexis on Fire dans leur programmation avant d'être EV Montréal. Fait que, disons qu'on avait le violent, la musique qui bouge, assez flexible malgré la vocation métal auparavant. Mais oui, la grande différence, c'est que cette année, ce n'était plus au parc Jean Drapeau en tant que tel, mais plutôt aux plaines des Jeux. Bref, là, si tu connais bien les événements, si tu es comme moi, tu butines d'un genre musical à l'autre, que tu es allé... oui, tu vois, j'ai visité Hillsonic et Oshiaga. Ben oui, c'est la séparation des deux parties d'Oshiaga, dans le fond. Alors, les scènes principales étaient pour Hillsonic le vendredi et le samedi, tandis que EV Montréal, le samedi et le dimanche, était plutôt à la partie plus forêt. Ouais, c'est sympathique, je trouve que ça fait une belle ambiance. Oui, par contre, les scènes sont plus petites. Il y en a trois. Mais malgré tout, je trouve que le site avait l'air plein. Contrairement à des gens qui avaient dit l'année dernière, c'était un peu triste. Et oui, les trois programmations, trois jours. Ça faisait... Oui, ça a été pas mal difficile parce que en 2013... J'hésite l'année, je suis allée voir Metallica à EV Montréal et c'était une foule record. Alors je crois que oui, les changements de l'événement sont un peu dus à leur plus gros succès, soit Metallica. C'est sûr que c'est assez dur à côté, que vous soyez fan ou non. Tout comme moi, je suis pas une fan de Metallica, mais ouais, au Québec, les gens sont bien, bien groupis. Alors c'est quand même j'ai passé une belle fin de semaine. Je sais pas, ça dépend de tes attentes aussi, quel type de festivalier tu es, si tu es plus mélangé. Tu penses ça plus relax. Si tu es plus curieux, surtout, si tu es curieux, ça va vraiment être à ton avantage parce que moi, les grands noms, étrangement, me disent rien du tout. Ça, c'est niaiseux, hein? Tu sais, on dit que c'est des mainstream puis je les connais zéro. Là, ça prouve juste que j'anime à CISM et j'écoute CISM. Mais inversement, pour moi, ça a été, ben oui, des découvertes. On va dire ça de même. Des découvertes à l'envers, c'est un peu absurde. Sinon, j'ai parlé de passion. Si vous avez des anecdotes de EV Montréal, n'appelle pas en studio parce qu'écoute, il y a bien du stock, fait que j'aurais pas le temps de te jaser au téléphone. Par contre, tu peux m'écrire sur le Facebook de Critique de Crowd et ça va faire vraiment plaisir de te lire et de les repartager durant l'émission spéciale 2 de EV Montréal. Mais je remercie déjà tous ceux qui m'en ont envoyé puisque j'ai une anecdote tout à fait savoureuse et qui prouve que EV Montréal attise effectivement les passions ou du moins les concrétise, ces passions en mariage. Parce que oui, il y a eu une demande de mariage en plein festival. Et je pensais que c'était un peu une blague parce que c'était une bague faite avec des brindilles et des bouts de bois. Et là, j'ai demandé à la personne, mais est-ce que c'était une blague qui demandait en mariage? J'ai dit non. La fille, elle pleurait de joie tellement, ben oui, j'espère qu'elle était contente de se faire demander en mariage. Et c'est tout simplement parce que le gars, il a oublié les bagues à l'hôtel. C'est pour ça qu'il en a improvisé. Il en a improvisionné. Hey, pourquoi je suis pas capable de dire improvisé? Bon, voilà, je le dis. Mais c'est pour ça qu'il a pas tenté une bague, toi. Fait que je trouve ça tout à fait charmant. Pour ceux qui remettent en doute l'existence du EV, tel un gérant d'estrade, ben écoute, il y a des gens qui voient l'amour et qui le concrétisent. Fait que je trouve ça quand même charmant. Alors, pour vous, métalleux, plein d'amour, mais pas des chansons en thématique là-dessus. Ce sera plutôt avec Montréal. Alors, Montréal, centre-ville de Soc-la-Marde. « Le groupe Soc la Marde avec leur chanson Montréal Centre-Ville. Vous écoutez CISM, vous écoutez Critique de Crowd en ce spécial EV Montréal. Et comme j'ai mentionné, ben oui, il y avait bien des affaires qui se passaient à la fois au Parc Jean-Drapeau, mais à la fois à Montréal. Fait qu'il n'y a pas juste l'île Sonic et EV Montréal qui prennent les transports en commun. Et je l'apprends un peu sur le tard, là, ça prouve que je ne suis pas très geek dans la vie, puisqu'il y avait le Otakuton. Le festival manga, là, je voudrais pas déformer, disons, le festival. Mais bref, il y avait des gens avec des perruques tout à fait colorées qui... ben moi, je pensais que ça aurait été le Comic-Con, là. Puis je me disais, voyons, c'est passé, mais ça, il y a une couple de dates. Bref, ils avaient l'air à des personnages de bande dessinée et c'est tout à fait coloré. Mais là, au début, tu sais, comme le premier que tu spots dans le métro, tu fais comme, ah, comme il est coquet. Là, le deuxième, tu te dis, OK, non, c'est pas un hasard ou c'est pas quelqu'un qui veut être tout à fait différent à l'île Sonic. Mais ouais, plutôt des gens qui s'en vont complètement ailleurs. Mais quel merveilleux, j'allais dire quel merveilleux bordel, mais le bordel serait pas le bon mot, que mélange de genre dans le métro, c'est le moment que je préfère le plus ou que j'attends même. Juste avant l'événement, tu le sais qu'il y a comme un esprit, c'est palpable, comme l'énervement, l'excitation, le rassemblement. Ouais, tout ça en même temps. Et l'occasion, ouais, de distinguer les gens qui vont à différents événements. Je dis ça parce que c'était, oui, fort coloré aussi dans ton t-shirt noir métalleux, parce qu'il y avait des grandes distinctions dans la crowd. Et quand je dis distinction, justement, dans une foule, des fois, t'aimes ça te retrouver. Et moi, j'ai vraiment l'impression que les festivaliers de l'île Sonic ont peur de se perdre. Visiblement, ils ont absolument besoin d'être très, très, très distincts. Il y avait beaucoup qui étaient en kit qui fit. J'adore les kits qui fit. Alors, c'est toujours des groupes d'amis qui ont décidé d'être thématiques. Alors, tout le monde a bandeau jaune, tout le monde est paillettes. Ouais, des fois, c'est juste parce qu'ils veulent être bien arrangés et tout simplement beaux. Oui, c'est tout à fait valable. Mais il y en avait plusieurs que c'était assez évident que c'était pour pas se perdre. Des objets en hauteur, des drapeaux, ou juste être... J'allais dire baquet, là, parce que, écoute, quand t'as mis comme une espèce de taille de poney, de licorne, visiblement, tu vas te faire remarquer dans la foule. Oui, ça fait carnaval, oui, c'est amusant, mais c'est sûr que tes amis vont être capables de te retrouver. Fait que tu peux être le pire des perdus, au moins quelqu'un va te spotter à quelque part. Fait que c'est toujours cet avantage-là. Tandis qu'un métalleux, je viens de le dire, c'est des t-shirts noirs. Puis ça va le mettre au EV Montréal. Mais écoutez, pas tout seul. Tout le monde met un t-shirt noir. Parce que déjà, en partant, si tu mets ton t-shirt blanc, même si c'est un groupe que tu vas voir le jour même puis t'es fier de le porter, tu vas tout le scraper parce qu'il y a ben trop de boîtes puis c'est ben trop sale. Fait que t'es mieux de mettre un t-shirt noir parce que ça se lève bien mieux le lendemain. Mais oui, j'ai quand même cette drôle de notion de sentiment d'appartenance à un groupe versus le besoin d'être distinct parmi cette foule-là. Cette espèce de dualité qui se combine à la fois bien et qui en fait une foule tout à fait colorée, mais dans tous les cas, parce que, oui, à EV Montréal, il y avait aussi un gars qui traînait un gros toutou de chien. Tu sais, toujours des gens avec un masque. Ben oui! Puis en même temps, ça fonctionne parce que ça fait partie d'une communauté musicale, puis on n'en voit pas comme « Voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est bien étrange. » Non, non. Toute une appartenance avec le groupe, tout en étant, ouais, un peu dans sa forme individuelle, mais sans dire individualiste dans le sens péjoratif, peut-être égocentrique ou juste centré sur soi-même, mais plutôt comme, ben oui, tu es un individu parmi cette grande foule et toutes ces foules mélangées ensemble en plus. Alors, on va continuer encore avec une thématique Montréal, Full Blood, groupe de Trois-Rivières, Montréal, Zombieland. Yeah! Snake, ça finit Dread Sec Full Blood de leur album du même nom et leur chanson Zombie Land, Montréal, Montréal Zombie Land. Mais je crois plutôt qu'à cette heure-là, il n'y avait personne de très, très zombie puisque le festival Yo va. Ben, au début d'après-midi, puis le premier groupe que j'ai vu était à peu près à ça, une heure et demie. Vastum, qui remplaçait les Black Metalleux d'Inquisition. Ben non, ils n'ont pas passé les douanes et ils ont eu comme remplaçant Vastum, qui était en prestation la veille dans le cadre du Grimposium au Catacombe avec Misery Index. Alors voilà, peut-être que par hasard, tu les as vus deux fois plutôt qu'une. Et moi, je ne les connaissais pas du tout. Alors, c'est un groupe américain qui existe depuis 2009. Ils viennent de San Francisco. Ils sont dans le cross-punk. Et ça, ouais, j'allais dire ça bardasse, mais pas tant la crowd que le chanteur. Dans le fond, la crowd, c'est le chanteur. Mais oui, je veux dire, ça s'installe tranquillement, pas vite durant la prestation. Surtout, on est en début de journée. J'ai un souvenir que c'est assez relativement calme. Ouais, on prend ça. Ben oui, premier groupe là, on n'a pas besoin non plus de se maganer, sinon on va avoir toute la journée tout éclopé. Mais le premier truc, je sais pas si ça fait longtemps que j'ai pas vu un show metal ou un show metal où il y a beaucoup de dévol, tu sais, faire ton dévol avec tes doigts. Parce que au moment de la première chanson, je me suis mis à applaudir, puis le son fitait pas pantoute avec mes mains parce que tout le monde criait, faisait ouais avec des dévol. Puis ouais, c'est comme si mon cerveau il court-circuitait parce que mes sensations, je faisais, voyons, j'entends pas le bruit que je fais avec mes mains. Ben non, parce qu'il y avait pas assez de monde qui applaudissait, tu sais, ça fit avec la foule. Alors, je trouve ça un peu drôle, cette espèce de, pas réadaptation, mais je fais comme, oh oui, c'est vrai que t'es mieux de sortir de ton dévol toute la journée que d'applaudir tout le temps, parce que c'est beaucoup plus efficace. Ben oui, la question son, ça va toujours plus fort. Alors après ça, ben oui, après ça, c'est bien tranquille. Je réalise bien que c'était juste moi qui applaudissais tout seul. Et quand je dis que le chanteur, il s'énerve beaucoup, c'est parce que, je pense, oui, il y a des body surf à peu près à tous les spectacles, mais la plupart des body surf ont été faits par le chanteur. Et j'étais quand même impressionnée sur la capacité à la fois de body surfer et de chanter, juste à temps que je réalise qu'il y a un deuxième chanteur sur scène. Vraiment, la perception de mes sens n'était pas au rendez-vous pour le premier show. J'étais impressionnée partout. J'ai comme, oh mon Dieu, quelle capacité à pouvoir gueuler et en même temps à se faire piétiner la bédaine par la foule, mais ouais, c'est parce qu'il aussi il était deux, fait que ça aide toujours. Et même qu'à la fin du spectacle, non, pas juste body surf, ce fameux chanteur décide plutôt de foncer dans la foule, et c'est vraiment le terme, juste comme il fonce dans le tas, puis il s'en sac vraiment sur qui il va tomber, incluant la petite personne qui est Jolene Ruet. Ouais, je suis un peu petite, puis il m'a pas mal ramassée. J'ai fait une coupe de mètres comme épaule à épaule, mais j'étais juste comme « Ah! » Je recule, mais je suis capable de me tasser tellement il fonce comme un taureau. Je trouve ça niaiseux, tu sais, t'as juste à te tasser, t'es comme « Tasse-toi, Jolene, tasse-toi! » Pas capable! Mais j'ai trouvé ça quand même drôle, cette folie-là, cette énergie qui, ouais, féroce! Mais pour ceux qui l'ont vu la veille, j'ai su quoi, ouais. Il y a souvent le même type de performance, il avait l'air d'être particulièrement saoul hier soir étant plutôt vendredi soir de la semaine dernière. Ouais... sous, puis lourd, puis poussait le monde, puis s'en sacrait. Mais là, on était comme une heure et demie l'après-midi. Je me suis dit, soit il a pas dégrisé, soit il est tout le temps de même. Il y a une certaine part de personnage dans tout ça, de personnage scénique, du moins. Fait que je pourrais pas vraiment confirmer la chose, mis à part si je vais les revoir en spectacle. Mais autrement, moi, j'ai beaucoup apprécié. Belle découverte. Alors, je vous le conseille bien fortement, mais qu'ils reviennent en ville. Alors, sur ce, non, oh mon Dieu, je vais vous passer un petit extrait. Mais sinon, par la suite, étant donné que c'était Inquisition qui était supposé être en spectacle, je vais vous passer plutôt du black metal francophone avec Akitsa et la chanson Je n'y serai pas. C'est un petit peu. Ben, on va écouter en premier Akitsa, puis après ça, on va te passer un extrait. C'est le même, ça va se passer. We'll be right back. Et voilà un petit extrait pour vous donner un goût d'aller écouter Vassum. Ils ont un Bandcamp tout à fait bien garni. Vous écoutez Critique de Crowd. Oui, d'autres métals et tout autre, plein d'autres genres de musique. J'ai pensé à vous autres non-métalleux. Et voilà, il va en avoir tout plein des anecdotes. Mais ça, c'est après les publicités. À tout de suite. Hey, le BOM! Du 19 au 20 août, on t'invite à Mirabel pour la 6e édition du Déboulot Fest. En musique, Obey the Brave, Exterio, Solids, Mute, Rouge Pompier, The St. Catharines et Dead Obies. Le DBF, c'est pas juste du gros son. C'est aussi rire des blagues louches pendant le volet humour animé par Frank Grenier. C'est aussi trasher en se garochant de la paille. Puis c'est aussi attraper une bière qui a été tirée dans les airs par un gun à patate. Ça brasse en petit péché. Le Déboulot Fest, le festival le plus convivial au nord du Rio Grande, en partenariat avec la ville de Mirabel, Stageline et Solotech. Achetez vos billets au www.lepointdevente.com. Chaque vendredi, de minuit à 2h du matin, Infinibit est votre rendez-vous hebdomadaire pour la meilleure musique électronique underground à Montréal. Du 8 au 32 bits, du chiptune au drum and bass, en passant par tout le spectre de la musique électronique. Si vous aimez la bass pis les blips, c'est l'émission idéale pour vous. Sur les ondes de CISM, 89.3. Mon nom est Michel Kunta et je vous invite cet été, les samedis à chaque deux semaines, au Beats and Barbecue à l'Abreuvoir, présenté par Sabotage. Et oui, de 15h à 21h, tu vas pouvoir groover sur les beats de nos DJ invités sur notre terrasse, amener ta bouffe et la faire cuire sur notre barbecue et profiter de nos spéciaux sur nos délicieux cocktails. Fait que samedi, après avoir regardé Bulldog Bazar, pointe-toi directement à nos samedis Beats and Barbecue à l'Abreuvoir et pars ton samedi soir du bon pied! Envie d'entendre ta voix à CISM? Bonne nouvelle, nous sommes à la recherche de nouveaux projets d'émission. En déposant ton projet avant le 12 août, tu cours la chance de rejoindre les rangs de la marge pour la saison d'automne. Pour plus de détails, visite notre site internet au cism893.ca. Du 8 au 10 septembre, le festival Envolé Macadam, en collaboration avec la bière Tremblay, prend d'assaut le centre-ville de Québec, avec entre autres Bad Religion, The St. Catharines, Mad Caddies, Me First and the Gimme Gimmies, SNFU, The Unity et plusieurs autres. Passeport en pré-vente sur lepointdevente.com. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Pour la Ah, parole tranchante de cet album des vulgaires machins. Comptez les corps. Probablement que si vous êtes un auditeur assidu de la station, vous l'avez entendu plus qu'une fois. Et oui, les vulgaires machins fêtent le 10e anniversaire de cet album. Comptez les corps. Et vous avez entendu la chanson Légaliser l'héroïne. Et je l'ai chez nous et ça a été... je pense que je l'ai repassé très rapidement. Je ne savais plus quelle chanson vous jouez. Mais c'est sûr, moi, que je vais le réécouter. Ah, c'est toujours drôle de prendre le temps durant des occasions bien précises. Mais je pense aussi refaire le tour de cette discographie qui est celle des vulgaires machins avec Aimer le mal, album. Ah, mon Dieu, je ne sais pas tout à quel âge quand tu as commencé à aimer les vulgaires machins, Crowd, mais personnellement, j'étais jeune et il y avait un sticker avertissement aux parents. Les paroles sont, sont violentes et dangereuses. Et étonnamment, ça fait qu'il y a eu plusieurs fans dans la famille Ruet des vulgaires machins. Et voilà, fin de l'anecdote. Alors, bonne fête, les vulgaires. Vous écoutez toujours Critique de Crowd avec Jolene Ruet jusqu'à 4 heures. Spécial EV Montréal, oui, oui, plein de mosh pit. Je t'en fais pas toujours mention, mais prends-le pour acquis, ça se pousse de temps en temps dans la foule. Et sinon, si tu as envie de peut-être pas poussailler, mais tout simplement de vivre un beau moment parmi des inconnus, comme dans une foule, tiens, ben j'ai plein de belles suggestions pour toi. Comme ce soir, il y a Julien Sago avec Barry Paquin-Roberge au Ritz PDB. Vendredi, dans le cadre du Festi Blues, oui, il y a Félix Braque ainsi que Louis-Jean Cormier. Le tout se passe au Parc Hunsic. Il y a du 10 au 14 août, je te donne toutes les dates pour y aller. Under Pressure, c'est, ben oui, c'est leur 21e édition. C'est un festival de musique culture urbaine, graffiti, mais cette année, ça une autre dimension plus communautaire puisqu'ils sont en partenariat avec le Forum social mondial ainsi que Fierté Montréal puisque c'est les fiers. C'est cette semaine! Ben oui, allez, allons à la parade, soyons fiers de la fierté guillée. Et sinon pour Under Pressure, il y a beaucoup de spectacles, danses, conférences et des expositions. Samedi, retourne à l'ESCO. On s'ennuie toujours de l'ESCO, on veut toujours y retourner plus souvent pour aller voir Brand New Lungs, Capable et La Cavale. Dimanche, si tu es plus un fan de musique électronique. Peut-être que tu as trouvé ton pique-nique électronique un peu laborieux. Et oui, il était au Floralie la semaine dernière, étant donné que le parc Jean-Drapeau était pas mal occupé. Il y a deux semaines également. Et entre tout ça, ben, il y avait congé. Ben oui, petite pause. Alors voilà, c'était pour vous dire que dimanche, je vais profiter des pique-niques. Mais surtout, c'est revenu à la place habituelle, soit la place de l'homme. Lundi, None of Us, qui est un groupe de Montréal qui font dans le hard rock indie, noise rock, post-rock, tout ça en même temps. Amuse-toi à démêler tout ça. Et ils vont jouer avec Mermaids à la Casa del Popolo. Mardi, Songs et Ploches au Quai des Brumes. Et finalement, mercredi, si t'as envie de profiter d'un groupe vocaux ska et reggae, après, ils sont les plus connus dans le domaine, mais pour moi, c'est une découverte. Alors, je vais bien m'y attarder. Toots and the Metals, ça se passe au Théâtre Corona. Hey! Oui, tu peux aller écouter la musique en spectacle, mais à la radio, on en passe tout plein et on a un merveilleux palmarès pour ça. Et en 20e position et en 12e, il y a respectivement Fudge et Autruche. Alors, on va aller les écouter avec les chansons Lazare et Toi pis ta crise de grosse face! Autruche sur les ondes de la marge avec la chanson Top et actrice de grosse face. Ben oui, j'aime toujours les chansons où on peut se sacrer en ondes tout en étant tout en ayant bien le droit. Ben oui, 12e position avec leur album Pierre qui roule n'amance pas pousse. Et vous avez aussi avant entendu Fudge dans leur EP, il y a la chanson Lazare. Et si tu dis j'en veux plus, j'en veux plus. Écoute, il y a plein de positions dans ce palmarès. Il y en a même deux. Fait que tu vas sur le site de CISM, CISM893.ca, tu les retrouves. Et aussi sur l'application, c'est un beau téléphone intelligent. Sur ce, ben oui, t'écoutes toujours Critique de Crowd, qui critique les foules, qui s'amuse, ben ouais, qui s'amuse durant EV Montréal. Je crois que j'ai eu une belle expérience, somme toute. Je reviendrai un peu plus tard sur l'horaire. Ça, par exemple, j'ai trouvé que c'était un gros bémol. Et autre bémol... Sur les deux grandes scènes, il y avait des clôtures qui séparaient la foule. Bah! Évidemment, pour Critique de Crowd, c'est assez dommage parce qu'il faut toujours que je prenne une espèce de guess de où c'est que ça va s'énerver? Tu sais, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Faut que tu présumes quand même parce que le show n'est pas encore commencé. Là. Fait que tu sais pas, là, tu peux pas te fier juste au look du monde là, s'ils vont s'énerver ou non. Là. Bref, ça se présume très mal. Et sinon, il y a aussi une certaine. J'allais dire forme de discrimination. Discrimination entre les scènes, oui, il faut pas exagérer, là. Mais dans le sens où les deux scènes, oui, c'était les deux grosses, les deux principales, mais les deux n'avaient pas de grand écran. Alors, ça aussi, pour spotter la foule, l'énervement, avoir plus que ma paire d'œil à moi, là, mettons que c'était pas trop pratique, puisque à la scène qui n'était pas la scène canadienne, la scène Heavy, bien, il y avait des banderoles. Ouais, ça, c'est fort pratique, des banderoles. Tandis que des écrans, ben ouais, plus ou moins proches, des fois, dans les festivals, ça peut être agréable d'avoir un autre angle des événements. Quoique, des fois, c'est beaucoup plus agréable d'être juste proche de la scène. Ouais. Par contre, elles sont tout à fait identiques, puisqu'il y a des plaques de plastique qui sont comme vissées à terre, contrairement à la petite scène. Alors, tu te fais pas trop mal, puis c'est quand même en dessous des rampes pour te déplacer, pour t'énerver. Ouais, pourquoi pas que ce soit pratique? Pourquoi pas? Sinon, le premier spectacle que j'ai vu à la scène Heavy était de Deligneur Escape Plan. On va écouter le premier extrait, c'est la première chanson qui a passé durant le show. Alors, pour vous donner un avant-goût, parce que non, on peut pas écouter leur plus récent album, parce que c'est un prochain album, plutôt, il va sortir cet automne, ce qui a aussi annoncé la séparation du groupe. Alors, vivons dans le passé et profitons plutôt de leur vieux succès. Oui, je t'ai dit extrait, fait qu'on l'écoutera pas au complet, même si je l'adore. J'étais vraiment heureuse qu'il commence le show avec Prancer. Et je trouve que c'est très explosif, là, comme « Bah! Tu rentres! » Ça a été la même chose aussi dans la foule. Chose assez commune au Heavy, c'est que le pit est pas si grand. Il finit toujours par... Oui, il explose, c'est comme bah, la toune, elle rentre, puis là, le monde s'énerve. Ils veulent que le pit soit grand, qu'il y ait de l'espace. Et il se résorbe assez rapidement. Il se rétracte, il retourne sur lui-même. Ce qui est bien agréable, c'est que, ouais, ça perd de l'espace. Bon, plus dur à retrouver, moins d'espace de jeu, peut-être. Mais la chose, c'est que ça ne perd pas en intensité. Et je trouve ça bien beau. Ça perd pas non plus le nombre de participants. Ça change vraiment juste dans l'espace. Oui, je l'ai remarqué à Deligneur, mais ça a été le cas pour la plupart des spectacles. Je sais pas trop si c'est parce qu'ils surestimaient. Je veux dire, oh, on va être beaucoup à avoir du fun! Ah, on est moins. Ah, ben, on va prendre moins de place. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça se faisait naturellement. Sans que les gens ils viennent s'imposer comme ah, moi je veux juste bien voir puis je vais aller dans le pit. Ça arrive peu. Ouais, ça faisait juste moins se rapetisser. Naturellement, j'ai pas d'autre expression. Je trouve ça fabuleux parce que ça prouve comment dans la foule il y avait cette harmonie-là. Majoritairement, oui, il y a des spectateurs qui ne font que ça, regarder le spectacle, qui sont pas en train de body surfer, ils sont pas en train de trasher, ils sont pas en train de mocher. Pas tant de moshing en passant, on est vraiment plus comme dans de la grosse poussade. Et ouais, par contre, ça reste des techniques mixtes. T'sais, on va pas juste trouver un trash un peu punk. Je pense que les mouvements sont divers, autant comme la programmation et les goûts musicaux de chacun. Je trouve que ça se reflète un peu dans les mouvements de chacun. Sinon, ben sur scène aussi, je le dis énervement. Ben ouais, ça sue, puis ça... J'appelle ça de l'énervement, ça s'énerve. Fait que... Ça s'énerve tout à fait aussi sur scène. Le guitariste qui fait des 360 avec sa guitare sur son dos, qui monte sur l'ampli. Le chanteur qui lance sa bouteille d'eau, puis quelqu'un d'autre relance sa bouteille d'eau, puis relance sa bouteille d'eau. Écoute, il y avait du partage d'eau à quelque part. Là, oui, oui, il y a aussi... À chaque année, il y a toujours comme le préposé au boyau, là, le boyau d'eau qui arrose tout le monde comme un malade, là, qui est payé par l'événement, là, fait qu'il nous arrose abondamment. Mais on n'était pas encore rendu là au début de la journée. On était sèche et on n'avait pas besoin de tant d'hydratation. Fait que des petites bouteilles d'eau fort sympathiquement données par le chanteur, c'était fortement apprécié. Et un des points culminants aussi de la performance, c'est quand le guitariste s'est approché bien à genoux dans la foule et qui a finalement fini par s'y lancer. Mais vu qu'il était à genoux, je ne pourrais pas dire tant lancer que juste comme... c'est juste comme swinguer d'un bord. Et il y avait déjà une coupe de body surf, mais je crois que c'était la raison d'encore plus vouloir accumuler les body surf un par-dessus l'autre pour aller se rapprocher de lui. Et c'est la première fois que je les voyais en spectacle. Serait-ce la dernière si la séparation, il y a une tournée ou non? Je ne suis pas encore assez informée sur le sujet, mais bref, si ça aurait été ma seule et unique fois, je n'aurais pas beaucoup participé, mais en même temps, je les ai trouvés bien emballants à voir et ça m'aura bien suffi. Pas trop le choix, tu sais, s'ils reviennent plus jamais, je vais faire avec. Fait que voilà, on va continuer la musique avec de beaux bands québécois qui font, ben oui, hein, de la musique qui rentre au poste. Carcajou avec la chanson Évasion, et vous allez aussi entendre Hérésie avec la chanson Minable. vous venez d'entendre Hérésie. Vous avez plutôt entendu pas du tout Minable. Hey boy, j'étais bien arrangé en studio. Oui, c'est la chanson Triste personnage plutôt que vous avez écouté parce que, ben ouais, je fais de même. Je change ça à la dernière minute. Vous écoutez toujours Critique de Crowd. Oui, toujours aussi spontané et naturel en onde, chers auditeurs de CISM. Hey, devine qu'est-ce que je suis allée voir au EV Montréal. Je te donne une chance. Je vais te mettre un extrait puis tu vas te deviner. Peut-être. What the hell? Everybody ends up dead. Just a matter of when. Oh, peut-être que la petite intro de Prevail t'aura déjà dit « Hein? Cataclysme! » Ben oui, aussi, tu connaissais la programmation de EV Montréal. Ils y étaient! Ces chers pionniers du métal extrême du Québec qui existent depuis 1991. C'était bien agréable de les voir parce que là, c'est le moment où je me dis « Soit tu vas voir trop de shows, soit t'as vraiment une mauvaise mémoire, Jolène. » Je me rappelais plus si je les avais déjà vus. Ils sont peut-être déjà passés au Metal Fest de Trois-Rivières, jadis, avant Critique de Crowd. Je sais plus, mais j'ai apprécié l'expérience. Oh, pas nécessairement par tout ce qui s'est passé dans la foule, mais il y avait vraiment une espèce de légèreté de festival. Ouais, festival, estival, c'est léger, c'est à l'extérieur, quelque chose de laisser aller que je trouvais bien appréciable. Ou cette structure un peu, oui, on pousse à la participation du public. Mais justement là, c'est pas mon point le plus positif. Le chanteur Maurizio, il est bien directif. Eh boy, hey, le lendemain, je vous vole déjà un punch pour le spécial 2 de EV Montréal. Dis-moi l'icon, le chanteur Alex, il fait la même affaire. Tu vois, ça m'agace, puis je veux pas mettre le mot. Ouais, ça me titille un peu d'être aussi directif envers sa foule. Tu sais, c'est le fun, dire « Hey, tout le monde, on fait la vague! » Bon, peut-être pas la vague, là, c'était peut-être pas le meilleur exemple. Reste que faire participer une foule, oui, ça peut être intéressant. Mais dire, je veux des body surf! Je veux plus de body surf! Je veux encore plus de body surf! Là, je suis voyons donc, il donne des ordres, le gars. Il donne des ordres. C'est pas un... Je sais que tu dis je veux, mais c'est pas un souhait. Tu nous l'ordonnes. Je veux. Là, mon Dieu. Moi, ça vient me chercher. Je me sens comme un enfant qui reçoit des ordres et qui veut pas y obéir. Je suis comme ça, me donne plus. Ça boude mon plaisir. C'est niaiseux, hein? Ça boude mon plaisir. J'aime exactement ça. M'énerver, body surfer. Puis il nous le suggère. Il veut avoir une foule en liesse durant sa performance. Ce qui est tout à fait légitime. Mais des fois, justement, j'ai l'impression pas qu'il faut que tu le mérites, mais que c'est un truc que tu peux pas t'en contrôler. Si le monde n'est pas dedans, le monde n'est pas dedans. Et le monde, il l'était. Est-ce qu'il l'était parce qu'il donnait beaucoup d'ordres? Et c'est le résultat de « Ah ouais, je veux plein de body surf! » Puis qu'il y a du monde qui était pas tout à fait game, qui là, ils ont le gosse. Ils font comme « Ah ouais, let's go! On y va, on s'amuse! » Ou tout simplement, ça fait juste un peu plus grand nombre de participants. Mais que de toute façon, il y aurait eu les mêmes éléments qu'il ordonnait de faire. Ça, c'est pas... Ouais, je suis certaine que c'est un incident, c'est un impact. Et positif, puisque le monde s'amuse plus, ça les pousse un peu à se dégourdir. Mais c'est vraiment le ton pour lequel le faire que... Ouais, qui m'a irritée. Mais c'était surtout au début de la performance. Fait que soit je l'ai comme pris pour acquis, puis j'ai un peu comme élagué dans ma tête. J'ai fait comme, ça suffit, tant pis. Ou juste qu'il s'est aussi calmé lui-même les nerfs sur le sujet. Parce que j'ai même l'impression, du moins, dans les notes que j'ai prises durant... Puis prendre des notes à côté de Mosh Pit, c'est quand même compliqué. Je tiens à le mentionner, là, c'est un peu troche. J'ai marqué que la crowd a callé le Wall of Death, mais le groupe aussi l'a callé. Fait que, prends la version des faits, ce que tu veux, cher auditeur de CISM. Reste que Wall of Death aura lieu. Et même que, bon, le chanteur, il dit, bon, étant donné cette fameuse clôture, on n'en fera pas un. Et évidemment, ce serait assez difficile ou on se mettra encore plus la gueule de fonter sur une clôture. On va en faire deux. Ça provoque beaucoup de symétrie, hein, la clôture devant un spectacle. Reste que... Ouais, c'était bien sympathique et je voudrais pas donner des avantages aux clôtures, certainement pas, mais quand même, je crois que, disons que cette restriction-là a un peu poussé l'imagination en créant ces jolies symétries, chose qui n'a pas été exigée par le chanteur. Et l'idée tout à fait, un peu préméditée parce qu'il faut quand même qu'elle enlève son linge, une fille sur les épaules d'un gars qui, oui, elle trouve qu'il fait beau, il fait chaud. Elle est une belle femme et son corps lui appartient, fait qu'elle en fait ce qu'elle en veut. Et elle décide de montrer ses seins. Et bon, autour, tu sais, quand le monde applaudisse, Je sais pas trop, ben, c'est comme pour le gars, parce qu'elle trouve belle, ou juste pour, ben oui, comme c'est bien que tu l'aies faite. J'avoue que je sais pas, ou je veux pas analyser cet applaudissement-là, sincèrement. Mais autrement, parce qu'il n'y a pas non plus mention par les musiciens sur scène, et ça reste très, très anecdotique, parce que c'est la seule, et surtout, elle était à côté de moi. Sinon, je pense que je l'aurais à peine aperçue. Ça n'a pas été long, puis ça a été, comme je dis, pour elle. Elle l'a vraiment fait pour elle, parce que ça y tentait. Fuck! Toi, garçon, que je t'ai vu sortir de ton appareil photo, non, non, non, vilain garçon, non, on fait pas ça, non, tu prends pas de photo de la fille qui monte ses seins, non, non, voyons donc, t'es bien malade, tu fais pas ça dans la vie, voyons donc, hey, j'étais choquée, mais heureusement, il a pas eu le temps de prendre de photos, fait que j'ai pas eu le temps comme de jaser puis de dire, là, tu laisses faire ce qu'elle veut, mais prends pas de souvenir de ça, c'est bien niaise, voyons, hey, tu vas choquer, hey, femme, fais ce que tu veux, puis toi, prends pas de photos, puis en plus, ça m'a fait réaliser, ouais! Kodak numérique. Il y avait un certain retour sur les appareils photo jetables. Et je peux quand même comprendre que dans certaines circonstances, ça peut être pratique, puisque si tu le pètes, ça te fait pas mal au cœur. Mais un appareil photo numérique, c'est juste un peu passé date dans la technologie, puisqu'on a des téléphones intelligents qui prennent plein de photos, que je me dis, pourquoi? Tu sais, si tu le pètes, ça va t'avoir quand même coûté cher, mais en même temps, tu t'en sers plus vraiment, fait que c'est peut-être la raison pour laquelle tu l'as sorti. Je sais pas, mais j'en ai vu plusieurs. Aucune idée. Hein? Ça, parmi des GoPros que t'as installés sur ton chest, hey, ça c'est quand même... Je trouve ça toujours drôle comme angle, tu sais, comme sur le chest, dans le mosh pit, gros GoPro, avec une espèce de harnais, ça doit faire un méchant bronzage en croix. Bref, tout ceux qui prennent des photos, je respecte ton choix crowdien de vouloir autant de souvenirs, mais en même temps... En même temps, ouais, c'est vrai que c'est vraiment pas mon plaisir personnel parce que j'aime bien qu'on puisse partager au moment même, tel que ce garçon dans la foule, plutôt dans le pit, qui a décidé de partager sa bière un peu contre son gré. Mais après ça, tout à fait de façon assumée, j'ai vraiment trouvé beau le moment parce que oui, il y avait une bière, puis oui, il s'énervait. Puis après ça, il a réalisé que s'énerver, ça provoquait de la broue dans sa bière. Fuck! Au lieu de ça, il voyait là, qu'il allait en échapper partout, puis il a dit comme... Au trasher proche de lui, genre « Allez, ouvre la gueule! » Puis il leur versait de la bière. Fait, j'ai bien aimé ce partage-là. C'était cocasse et en même temps sympathique. Tu peux te faire des nouveaux amis. Tu n'avais pas perdu ton 10$ de bière. Fait que tout ça ensemble, ça faisait que c'était beau. Et oui. Et sinon, ben écoute, il n'y a pas de chanson dans la discothèque de CISM qui parle de montrer ses seins. Ou du moins, vous pourrez me la partager dans le Facebook de Critique de Crowd si vous connaissez une chanson sur le sujet. Par contre, c'est beau, c'est une chanson de mon oncle Serge, et parmi ces clichés un peu rock'n'roll, effectivement, on a le cliché des fans qui signent sur des boules. Ben ouais, signer des boules. Rock on! Pardonne-moi les membres bleus, les mères secouées de fonds et de houle. Il existe un pays bleu où les femmes font signer ses boules. Souvent après des spectacles ou ben non pendant l'entracte, on se croirait comme par magie transporté dans ce pays. Tellement de filles se bousculent sans crainte du ridicule. Ils me disent en levant leur gilet, hey, est-ce que tu glisses, c'est clair? Les mères sont à l'air, l'oncle coule. J'suis une vedette, bonne tapette, j'suis une diabole. Nos élèves, quand ils écrivent, font des fautes à tous les deux mots. Comprenez ces pauvres marmots, la feuille blanche, c'est des motifs. Imaginez comment ils feraient, ben moins de fautes de français. Si les profs leur faisaient faire, l'antiquité se rebelle. Ouais! Oh yeah! Oh! Châtis fruits, j'en réussis, mon bol rouge. Oh oui, ma grande, sont des glandes, c'est des bols! Moi c'est Peter Paul, j'ai pas été longtemps à l'école, mais c'est pas grave, j'ai acheté une guitare, pis là je suis rendu un rockstar. C'est que tu gars, écoute-moi bien, t'as pas prêt à tu me prends en main. Lance l'école en way de gaze, va t'acheter une Ibanaise. Si t'apprends des réformes, tu vas pouvoir faire la pièce. Être acclamé par les foules, t'es signé c'est pain de boule. Chef barrière aux petites mères qui ont du fun. Vive la vie, vive l'amour qu'elle nous donne. Un soleil, lui, pour celle qui se déboutonne. Un bar de poigne, le vin coule, j'ding, j'ai vol. Si tu franchis des monts brumeux, les mers secouées de fonds et de houle, tu vas retourner au pays bleu où les femmes font si bien c'est bon. Oui, c'est bon. Peut-être vous les aurez reconnus et peut-être que je... Oh là, tu vois, allez, je me trahis vraiment beaucoup. Attila, c'est un beau mélange de metalcore et de néo-metal. Et le néo-metal, je suis pas capable. J'ai vraiment de la misère. Puis en plus, tu sais, dans leur vidéoclip, vraiment, ça vaut la peine d'aller les voir en vidéoclip parce qu'on espèce, tu sais, ils sont bling-bling, bang-bang, chicks pitoun avec des... Alors, je trouve que c'est un mélange comme... Ça se peut pas. J'aurais voulu me l'imaginer. Je serais pas allée jusque-là. Pis, il y a Attila. Et Attila était... oui, je suis allée les voir par vraiment, vraiment par curiosité, étant donné, comme je vous dis, je suis pas tant fan. Mais ils ont été obligés d'annuler un de leurs derniers spectacles au Québec puisqu'ils n'ont pas passé les douanes. Et il y avait vraiment une grosse attraction sur le sujet là, qu'ils n'avaient pas passé. Puis que c'était dur aussi de les programmer, étant donné qu'ils ont l'air de jamais passer nulle part. Là. Bon, cessez les garçons avec votre gangsta gueulage, là. Fait que sur ça, ils étaient présents, tout à fait. Et quand je vous dis... ouais, petit garçon, j'ai envie de dire petit garçon rebelle. Ouh, je suis bad boy. Parce que oui, dans la foule, ça paraît. Il n'y a pas de dévol, il n'y a pas de poing en l'air. Il y a plutôt plein de doigts d'honneur. Ils nous incitent à faire des doigts d'honneur, puis je pense qu'il y en a qui le font naturellement, comme ça leur fait plaisir. Ah, ouah! Fuck tout! Je me permets de dire fuck tout parce que oui, il y a une certaine forme de je m'en foutisse, mais très enthousiaste, justement par l'attente d'aller voir le groupe, puis l'énergie et les paroles et l'ambiance que amène le groupe en général. Ah! Ça, c'est mon cri de désespoir parce que je n'avais pas encore réalisé, mais à la petite scène où il jouait Attila, il y a du sable, il n'y a pas de petite plaque en plastique, ce qui fait en sorte... Hey, j'en ai vu des shows extérieurs là, où ça trash, mais là, c'était pas respirable. Pas du tout. Pas juste du mouche brun à la fin de la journée. Là. Non, tu comprends pas. Là. Il y a un nuage qui vraiment enveloppe toute la foule. Et je sais pas, vous étiez des guerriers en même temps, crowd qui trashait durant ce show-là. Et durant la plupart des spectacles à la petite scène, parce que moindrement, il y avait une intensité dans le pit. C'était impossible de bien respirer. Ça devenait étouffant, ça devenait malaisant. Tu sais, comme, t'as envie de... Oh non, ça, tu tords par l'intérieur. Puis en même temps, t'aimes tellement ton groupe que toi, tu t'en fous. Puis ouais, ça va aller par là. Et je vais vous le partager, Crowd, sur le Facebook de Critique de Crowd. Ça donne bien. Parce que j'ai une photo de moi qui est complètement brune et j'ai pas trashé de la journée. Ouais, parce que mon sac était brisé. Fait que là, je voulais pas perdre mes affaires. Là. Ça, c'est niaiseux. Reste que j'étais toute brune, juste parce que j'étais à côté du mosh pit, ça n'a aucun sens. J'ai jamais été aussi sale de toute ma vie en venant d'un spectacle. C'était hallucinant. Aïe, aïe, aïe. Fait que pendant que je réalise que tout le monde est brun, tout comme moi, il y a... merveilleuse anecdote de la part d'un auditeur de la station qui était au spectacle. Et lui, je pense qu'il est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment... J'étudie vraiment, vraiment fan de Attila. Il a fait plusieurs body surf et il a été le seul qui s'est permis de tout le festival à monter sur scène, chiller avec le groupe, hein, faire les petits dévols, puis repartir. Effectivement, la sécurité n'était peut-être pas tight. Mais écoute, j'ai pas de chicane, pas de « Ah, qu'est-ce qui se passe? » Fait que si ça s'est fait dans la joie et que t'as juste réussi à détourner la sécurité, tant mieux, garçon, tant mieux! Et sinon, entre Attila et Suicide Silence, ben, il y avait rien, tu sais, c'était la même scène, il fallait qu'ils s'installent. Mais il y avait surtout de la musique telle que Radiohead. Ah, je sens comme ça par hasard que le gars qui s'occupait de la playlist sur cette scène-là avait complètement oublié qu'il était plus à Oshiaga. Tu sais, je me dis, voyons, tu sais, Jolène, on est mélomanes, on est des gouverniers. Ouais, mais en même temps, c'est drôle de hasard que la musique fit beaucoup plus avec le festival qui était là il y a juste une semaine. Fait que ça m'a fait bien sourire en attendant Suicide Silence de voir Radiohead. Et je sais pas si c'est le calme de Creep qui a peut-être confondu cette famille. Ça, je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce qu'au début du spectacle, ben oui, tu sais, ça recommence à brasser. Suicide Silence, Deadcore, ça rentre dedans. J'ai pas besoin de souligner, je pense. Et on voit qu'il se faufile parmi la foule. Ah, une maman puis ses filles. Je trouve ça adorable que en tant que parent, tu te dis, oui, ils aiment leur groupe, ils veulent y aller, mais ils sont jeunes, fac, je vais les accompagner. Hey, on va être tout en avant. Là, ils sont patientes, on est tout en avant. Hey, belle vue sur votre groupe préféré, les filles! Mais ça t'offre pas une seconde, voyons donc. Ils se font pousser sans arrêt, ça marche pas. Fait qu'ils étaient dans un beau calme, un sourire. Moi, c'est surtout ça, l'espèce de quiétude de la mère qui est comme, ah, c'est des choses qui arrivent, tu sais, l'expérience, c'est assez visiblement, elle s'y attendait pas. Sinon, tu sais, elle les aurait pas mis en avant si elle voulait pas non plus que ses filles bardassent leurs voisins, là, tu sais, ça se pourrait. Mais est-ce que, oui, apprendre à vivre en spectacle, ça se passe autant dans la jeunesse, ah oui, que aussi en tant que parent, pourquoi pas? Ouais. Ah, oh, mais ouais, moi, je reste charmée. Pour moi, c'est comme la plus grande forme d'altruisme en famille. Tu sais, comme, tu passes par-dessus tout ça, puis on fait comme, on va y aller. On va aller le voir, votre groupe que vous aimiez tant. Ah, oh, ben oui. Hey, Suicide Silence, j'arrête pas de t'en parler, mais on va. Je pense que c'est une des plus connues, You Only Life Once. Je le dis tout croche pour pas dire YOLO. Alors, YOLO, Suicide Silence. Push your care, push your burdens aside. Erase everything inside and leave just one thing on your mind. No, so just go fucking go. Ah, ça, ben oui, pour ceux qui connaissaient pas le groupe, ben oui, ça donne le goût là, de headbanger bien fort. Pas tant de machine, par exemple, pour du deadcore. Des fois, ça peut être comme le grand combat entre les hardcore puis les métalleux. Encore une fois, c'est vraiment, je trouve, l'espèce de norme à EV Montréal. Comment c'est mix dans le pit, il peut se passer bien des choses. Mais il y a énormément de circle pit qui sont pas collés par le band, mais qui sont provoqués par la foule. Ils sont assez abondants. Et dans ce cas-ci, puis... Encore une fois, c'est assez généralisé, les comportements dans la foule. C'est que le circle pit, c'est un vrai de vrai circle pit. Je parle de véracité, c'est juste parce que des fois, tu sais, un circle pit, là, tu tournes en rond, puis il y a du monde au milieu. Puis des fois, tu sais, t'as juste l'impression de faire une course obstacle, mais pas d'obstacle. Là, tu fais juste courir, semi-gambader. Personnellement, j'assume tout à fait mon gambadage. Puis là, je suis comme, ah, on s'amuse. Ah! Je me sens comme dans un champ de fleurs. Mais là, non, on est vraiment en retour aux sources du circle pit, qui est de pousser son voisin bien comme il faut, qui varge dans lui-même, parce qu'il n'y a pas d'obstacle pour de vrai, il y a juste toi. Fait que, ah, dérapage du monde qui tombe un par-dessus l'autre, ça s'empile. Problème de circulation, détourné, c'est le chaos. J'apprécie de revenir aussi à cette forme parce que des fois, je sais pas si c'est parce que le monde court vite puis moi, j'ai des petites jambes, là, mais des fois, je vais dans le circle pit puis je sens rien par tout. Tandis que là, c'était comme, ah, faut être qui-vif, là. C'est comme, attention, faut être aux aguets. Et ça, ouais, j'ai trouvé ça bien intéressant parce que, ouais, comme j'ai dit, avec mon sac brisé, je me suis comme un peu limitée sur les actions que je pouvais faire. Mais c'est un circle pit, c'est quand même sécuritaire. Je me suis limitée, oui, mais j'avais comme une obligation d'être dans le Wall of Death au moment où le chanteur a dit « OK ». Ben là, je vais le dire en français, là, et c'est un groupe américain. Il dit « OK ». OK, tout le monde, là, les gars, ça suffit. Là, les filles, c'est votre moment. Parce que vous aussi, vous avez le droit de trasher, de vous amuser. Dehors, les gars, dehors! Là, ça a pris un peu de temps avant qu'ils l'assument, là. Fait que les gars sont partis. Et ça a été un Wall of Death de filles. Je trouvais... À la base, puis je le pense encore, que c'est une idée fort sympathique de pouvoir permettre à des filles qui sont pas nécessairement à l'aise de pousser comme des gros gars qui mesurent deux fois leur grandeur. En même temps, c'est tout le temps les petites hein, qui sont les plus coriaces. Mais en même temps, il y en a une couple de timides qui aimeraient bien ça, mais ils n'osent jamais. T'sais, ils ne voudraient pas non plus se faire mal, ne savent pas trop comment ça marche. Je le mentionne peut-être très, très gros, parce que oui, il y avait visiblement aussi des adeptes là, de Trash, de Body Surf, de Mosh Pit, qui étaient bien heureuses de participer et être juste en filles. Mais il y avait aussi beaucoup de... nouvelles amatrices qui découvraient, qui découvraient. Juste pour ça, je trouve ça beau et appréciable de laisser cette place-là. C'est vraiment de la discrimination positive. Des fois, je trouve justement que c'est un peu dommage. Tu te dis, ah, pourquoi comme dire au monde de se tasser pour pouvoir permettre de l'espace à d'autres gens? Ben oui, c'est plate des fois comme ça, mais ouais, des fois, pour avoir une meilleure inclusion dans le futur, des fois, il faut discriminer positivement pour que ça puisse arriver. En tout cas, c'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère vraiment personnellement. Mais, il y a un bémol à tout ça, c'est mon espèce de sentiment. Tu sais, au début, on est tout en filles, en tapons, on n'était pas encore placés en Wall of Death, là, on s'est juste comme mis au centre, puis on était là, yeah! Ouais, on était contentes. Mais en même temps, on était encerclés de gars puis qui applaudissait, puis ça faisait un peu mal, comme « Ouais! » Tu sais, ça sonne encore plus mal quand toutes les filles sont parties, tu sais, ça fait un peu drôle. Je me suis sentie étrangement comme une bête de cirque. Je comprenais pas, je me suis sentie comme... J'étais full contente au début, puis après ça, j'étais triste. J'étais comme « Pourquoi je me sens pas à l'aise tout d'un coup? Pourquoi je me sens comme... » Ouais, et me sentais épiée inutilement, là, comme « Ah! La beauté de ces femmes qui vont bientôt se foncer dedans! » Ouais, on dirait ça, j'étais pas à l'aise. Autant que j'étais pas à l'aise que les gars qui se sont permis d'être dans le Wall of Dead ou de trasher par la suite, parce que le Wall of Dead s'est fait assez rapidement. Et ça a été comme... Quand je dis qu'il y avait plusieurs débutantes, parce que après ça, ça donnait comme un espèce de gros tapon, pas défaçable! Ça, c'était tout pogné. Tu voyais, elle avait une coupe, il était comme « Je vais sortir d'ici », puis il était pas capable. Puis en même temps, il s'amusait de prusser le monde. C'est comme un mélange de dualité, de « C'est le fun, mais pas le fun », mais en même temps, je commençais à catcher. C'était sincère et intuitif. Et j'ai jamais retrouvé ça exactement dans un trash ailleurs, parce que, ouais, c'était aussi le nombre de personnes qui étaient pas habituées, aussi la force, la grandeur et la proximité, tu sais. Il y avait une espèce de côté comme... Quand je dis « pogné », là, ça faisait vraiment comme un pain. Bon, c'était pas non plus dérangé. Il n'y avait pas une espèce de « Ah, oh, décollez-vous tous! » Je pense que l'aspect proximité féminine faisait en sorte que nous, ça ne dérange pas, on se fait des câlins, ça va bien. Fait qu'on peut aussi se poussailler puis essayer genre de juste trasher, que ça soit aussi agréable. Et ouais, pour redonner aux hommes, après, ben, il y a eu un trash plus violent. Bon, c'est ce que le chanteur y a callé, là, mais sérieux, moi, j'ai pas vu la différence, désolée. Je trouvais pas que ça avait l'air plus violent, dans le sens où de ce que j'ai vu, mais il y avait quand même quelques filles qui ont décidé d'y participer. Alors, encore une fois, cette fois-ci, on pourrait dire « Ah, là, c'était autour des gars! » Bon, écoute, les gars, ils ont pas écouté durant le tour des filles, fait que c'était donnant. Et sans vouloir, comme... C'est clair que c'est une formule que le groupe réutilise souvent. Oui, je pense qu'elle a des bons aspects. Et, ouais, au final, tu sais, ça permet à du monde qui aurait pas participé de s'amuser encore plus, puis que ça soit ouais, un moment particulier pour avoir vu Suicide Silence. Mais en tant que tel, ouais, je le répète encore, j'espère un jour où juste il y aura pas cette espèce de retenue que les gens peuvent avoir, puis tout simplement foncer quand t'as envie de foncer dans le monde. Et on va continuer en musique. Non, c'est pas du deadcore, mais on va aller dans du death metal, tout simplement, avec First Fragment et la chanson « Le serment de Tion ». Thank you. cahiers bestiaux. Moi j'ai douillé un sous-missile. Le poster d'enchant de la commission. Illusion. Ça, c'était bien en masse. Nightwish! Je dis bien en masse parce qu'encore une fois, quand je vous ai dit découverte et curiosité, Évé Montréal m'aura obligé à voir Nightwish en spectacle. Obligé. Tu sais, quand on va voir des festivités, festivals, plein de shows en même temps. Oui, plein de shows en même temps. C'est supposé être le cas, non? Quand tu vas voir un festival, tout le temps, des conflits d'horaires. Ah non, mon band préféré joue en même temps que tel autre, puis là, après ça, l'autre, faut que je coupe parce que la scène est trop loin, puis ah, mais il semble qu'il y ait tellement de festivals extérieurs au mois de mai qui se passent au centre-ville, puis là, je cours tout Montréal, je cours tout Saint-Laurent pour arriver à voir tous les groupes que je veux voir, puis je vois même pas un dixième de la programmation. Là, j'ai constaté qu'avec Évé Montréal, non, sans dire que la programmation est petite, c'est pas tant le cas, mais c'est impossible. Déjà, je pense que c'est facile de voir comme le tiers de la programmation si t'arrives de bonne heure puis que tu vas voir des spectacles constamment. Mais c'est aussi inévitable que tu aies soit des temps morts affreusement longs d'une heure ou tout simplement obligé de supporter des groupes que peut-être tu détestes profondément ou juste que tu n'aimes pas. Bah. Mais ouais, en gros, pour l'horaire des spectacles, la petite scène alterne toujours avec une des grandes scènes, dans le sens où ils jouent en même temps, mais la scène est vie. Il n'y a jamais de spectacle qui est en même temps. Fait que si tu n'aimes pas le groupe, ben il n'y a rien d'autre. Peut-être tu peux voir la lutte, mais en même temps, il y a comme un décalage de 15 minutes, mais c'est tout. Et je me disais, en tant que critique de crowd qui se prend pour un gérant d'estrade, je me disais, voyons, c'est pas... Ça se peut pas, je peux pas croire qu'il y a pas une façon, tu sais, de juste décaler un peu tout, rajouter un ben, en enlever un, je sais-tu, moins, mais que ça puisse avoir plus une facilité d'aller se promener. Tu sais, ça se peut que j'aime pas Nightwish, puis ça se peut que je me dise que c'est long, plus qu'une heure de Nightwish. Mais là, je me suis dit, je suis critique de crowd. Jolene Ruet, ferme-la, même si c'est pas tes goûts. On va aller voir ce qui se passe dans la crowd. Et c'était tranquille. Ben ouais, entre les pauses, oh mon Dieu, entre les pauses des chansons, on entendait le Sonic. C'est pas des jokes. Ah, ça, c'est gênant. Il y a beaucoup de feux d'artifice. Pow! Puis c'est pas mal la seule excitation qu'il y a. Non, j'ai déjà joué parce que, justement, j'aime pas le groupe, fait que ça me fait une critique très biaisée. Les gens étaient heureux, ils écoutaient attentivement, ils dansaient pour eux autres. Pas d'une grande interaction entre la crowd. L'énergie était diffuse. J'essayais de trouver un lieu précis où il allait avoir de l'énervement. C'était jamais le cas. Et par contre, en farfouillant la foule. Ben, des fois, je m'arrêtais en me disant, OK, il y aura rien, tu sais, je trouverai pas de place, ça s'énerve. Ou une source, parce qu'il y avait des longs polysurfs, puis je me demandais s'ils partaient tout le temps à la même place, tu sais, on sait jamais. J'ai quand même assisté à la belle courtoisie de la crowd de Nightwish. Je sais pas si j'étais un gars, je pourrais faire la même commentaire. Si j'étais un petit garçon, mais en tant que petite fille, ben oui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises qu'on me propose la place de la personne pour que je puisse mieux voir le spectacle. J'ai trouvé ça gentil. Est-ce que c'est particulier à Nightwish? Bah, j'espère pas. En même temps, la courtoisie, ouais, en tant que fille, des fois, tu te dis, ah, c'est fin, mais ouais, c'était leur belle qualité. Écoute, Nightwish, c'est une crowd bien élevée. Alors, sur ce, écoute, c'était leur grande qualité, fait qu'on va écouter Simon Kingsbury avec Feu d'artifice. Et je vous dis déjà à la semaine prochaine, probablement la suite de ce spécial Évé Montréal. Fait que si vous avez des anecdotes, n'hésitez pas à les partager. Je vous dis déjà bye-bye. Ton avenir.